Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oui, j'ai voulu. Yeah, yeah, yeah. Non, non, t'as pas voulu. Album, je suis disque d'euro, oh, oh, oh. On l'a fait quand même sans entrer en radio, oh, oh. Je suis dans le glow up, je mon showcase à Rio, oh, oh, oh. Vas-y, envoie mon McDo, oh, oh. Fais tant d'amis pour le style. 10 000 personnes dans la salle. Rien à péter d'être une star. Pull it up, pull it up. Mon ciel a pris du poids un peu comme D.A.G. Rien qui me tourne autour sous les l'après-dit. Glow up, j'ai voulu, les jaloux l'ont pas voulu. J'pose IA IA IA direct, tu montes le volume. Glow up, level up, trop de billets dans l'enveloppe. Glow up, level up, la queen develop, develop. Y'a quelques temps sur moi, ils auraient pas misé. Dis mes briquets sur scène, la lumière t'a misé. J'ai fait du jugement, un an, ouais, c'est abusé. Vas-y, envoie mon McDo. Oh, oh. Yeah, yeah, yeah, oui j'ai voulu. Yeah, yeah, yeah, c'est pas voulu. Yeah, yeah, yeah, oui j'ai voulu. Yeah, yeah, yeah, non, non, t'as pas voulu.